Gloire à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel, lui qui m'a accordé encore ce matin, et qui a accordé aussi ce matin à chacun de nous, et pour que nous puissions nous retrouver ici. Je bénis son nom parce que, en tout cas, depuis hier, je ne me sentais pas bien, mais je me sens mieux quand même aujourd'hui. Et donc, je dis merci à Dieu pour cela. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et je prie que, en tout cas ce matin, que tout ce que nous allons dire, que ça puisse vraiment transformer nos vies et que le Seigneur même passe par nous pour pouvoir en tout cas nous enseigner ce qu'il veut que nous entendons ce matin et ce qu'il veut réellement que ça sente dans nos vies, que le Seigneur puisse toucher cela. Et que, en tout cas, quand nous allons sortir ici, nous soyons vraiment transformés. Et que tout ce qui est en nous, qui ne plaît pas au Seigneur, que tout cela soit ôté en nous, dans le nom de Jésus. Avant de commencer, je ne sais pas, il y a un chant qui dit que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le connaît, le chant dit que « Yesu Yerisumbaye » et « Yerisumbaye » en « Yaboloye » Matigi Yesu Yisumaye Tanabao Yabole. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui connaît ce chant-là. Ah oui, c'est quoi, on connaît là, on chante ça. Si tu connais vous, comment? Que nous avons ce matin. Le thème de ce message, c'est « Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous allons lire dans Jean. Jean 15, versets 1 à 8. Le thème est tiré de ce passage. Et ce thème est important parce que à travers sans vraiment Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et donc, c'est pourquoi ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne sur ce thème-là et voir réellement, en tout cas, quelle doit être notre relation avec notre Seigneur. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, si quelqu'un a le texte, il peut le lire pour nous. ensemble Jean 15, 1 à 8. Jean 15, 1 à 8. Merci, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc, dans cette version, nous voyons que c'est sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, dans d'autres versions, c'est séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que vous êtes en Christ, et si vous vous séparez de lui, vous ne pouvez rien faire. Et donc, dans ce texte, Jésus utilise l'image d'une vigne, bien connue par ses interlocuteurs pour les enseigner. Voilà. Donc, en ce temps, tout le monde, en tout cas en Israël, les gens connaissaient ce que c'est que la vigne. Donc, pour permettre de comprendre une leçon capitale pour leur vie, il utilise l'image d'une vigne. Une plante qui produit des raisins utilisés pour faire du vin. Donc la vigne est constituée généralement c'est-à-dire ce qui est essentiel, le tronc, et puis voilà, ce qu'on voit vraiment, le tronc et puis les branches, voilà. Donc qui sont rattachées au tronc. Donc les branches sont rattachées au tronc. Donc ici, les branches sont rattachées au cep et elles portent des fruits. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Et quand les branches se trouvent au cep, c'est-à-dire que la sève, quand nous utilisons en SVT, nous voyons que y a la sève qui est là, qui nourrit, en tout cas, qui coule à travers la plante et qui nourrit les branches. Et c'est ce qui permet, en tout cas, aux branches-là de porter des fruits. Donc, le propriétaire de la vigne, lui qui prend soin de cette vigne-là, est le vigneron. Donc, le vigneron, chaque fois il passe, il contrôle la vigne pour s'assurer que, en tout cas, celle-ci porte des fruits, car il l'a planté pour cela. Donc, celui qui, en tout cas, c'est tout naturel, hein, quand on a planté un arbre, on passe voir est-ce que ça, en tout cas ça évolue. On l'a planté aussi pour une raison donnée, et généralement, en tout cas c'est pour avoir les fruits. Et donc on passe voir pour contrôler et pour voir est-ce que réellement la plante là, en tout cas atteint l'objectif que j'ai fixé. Est-ce que la plante porte des fruits? Donc le vigneron passe aussi voir fréquemment, hein, pour voir réellement est-ce que la vigne là porte des fruits. Et donc il dit que le vigneron contrôle pour s'assurer si réellement il y a des fruits. Il, si Il y a des branches qui ne portent pas de fruits, donc ces branches-là sont coupées. Ces branches sont coupées, déposées au soleil et pour qu'elles, en tout cas, cessent. Et la suite, c'est brûler ces branches-là. Il taille également, c'est pas seulement on coupe les branches qui ne portent pas de fruits, mais on taille aussi les branches qui portent des fruits. Donc ça, tailler les branches-là, ça ne concerne pas les branches qui ne portent pas de fruits. Les branches qui ne portent pas de fruits sont coupées. Ça, on ne taille pas. C'est inutile. Donc, on coupe ces branches-là. Mais les branches qui portent des fruits, donc les sarments qui sont là, qui portent des fruits, sont taillés de telle sorte que ces sarments-là, en tout cas, puissent porter davantage. C'est pour dire que le vigneron, il veut que les sarments-là, ceux qui portent déjà, portent encore des fruits. Donc, il ne se contente pas de ce qui est déjà là, mais il veut davantage, il veut plus. Donc, il va couper, il va les tailler pour que, en tout cas, ces branches-là puissent porter encore des fruits. Donc, maintenant, sans, en tout cas, le tronc, la branche ne peut pas porter des fruits. Sans le tronc, la branche ne peut pas porter des fruits, puisque la branche est fixée au tronc. Et donc, c'est de ce tronc-là que, en tout cas, la nourriture arrive pour atteindre maintenant la branche. Donc, ça veut dire que la branche a besoin d'être permanemment en contact, d'être permanemment attachée au tronc afin de recevoir cette nourriture, afin de recevoir la sève qui va permettre, en tout cas, de porter des fruits et donc de faire la volonté du vigneron. C'est-à-dire, le vigneron, sa volonté est que la vigne-là porte des fruits. Et donc, on peut se demander, est-ce que c'est la faute du tronc ou du vigneron si la branche ne porte pas de fruits? Est-ce que la faute revient du moment où le vigneron prend soin de la vigne? Est-ce que la faute revient au vigneron ou bien, en tout cas, à la vigne si et au tronc si, en tout cas, la branche ne porte pas de fruits? Et donc, quand nous prenons dans... Il y a un passage dans l'Ancien Testament dont je ne me rappelle pas, mais je sais qu'on a pris encore là-bas l'image d'une vigne que Dieu a plantée. C'était l'image était... C'est-à-dire, la vigne était considérée comme Israël. Et Dieu a planté cette vigne-là. Il l'a clôturée. C'est-à-dire, il a mis tout autour pour que, en tout cas, les animaux, c'est-à-dire tout ce qui peut, en tout cas, atteindre cette vigne-là, ne puisse pas atteindre. Et qu'il a pris le temps d'arroser cette vigne-là. Il a pris soin. Et à la fin, il a été déçu. Il a été déçu parce que ce qu'il attendait de la vigne, il n'a pas eu cela. Il attendait de bons fruits de la vigne, mais il s'est rendu compte que la vigne a produit de mauvais fruits. Donc, il dit qu'il a été déçu par la vigne. Et ça, c'était Israël. C'était Israël. Mais aujourd'hui, dans ce texte, ici, le tronc, il s'agit, ce n'est pas, on ne parle pas d'Israël ici, mais on parle de Jésus, le sceptre. Voilà, on parle de Jésus. Il dit qu'il est le sceptre. Donc, c'est pour dire que si la branche ne porte pas de fruits, ce n'est pas la faute du vigneron. J'ai pris l'exemple de ce que, c'est-à-dire du cas d'Israël. Dieu a pris, c'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies pour que la vigne porte des fruits. Donc, c'est la même chose ici, et toutes les conditions sont réunies pour que, en tout cas, les branches-là portent des fruits, parce que le cep s'assure que celui qui est attaché, que la branche qui est en lui, en tout cas, porte des fruits. Et donc, si la branche ne porte pas de fruits, ce n'est pas du tout la faute du cep, et ce n'est pas aussi la faute du vigneron. Voilà. Car pour porter des fruits, la branche se doit seulement de s'attacher. C'est-à-dire, son rôle, c'est de s'attacher au tronc. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande à la branche, de rester attaché au tronc et d'être nourri par la sève. C'est la seule chose qu'elle doit faire. Donc, voici en substance ce que Jésus a enseigné à ses disciples, puisqu'il parlait à ses disciples. Mais ce qu'il a dit à ses disciples-là, nous disons aujourd'hui que nous aussi, nous sommes des disciples de Jésus. Et donc, ce qu'il a enseigné à ses disciples, c'est aussi valable pour nous. Donc, nous allons essayer maintenant de comprendre réellement qu'est-ce que Jésus voudrait dire réellement. Quelle leçon, nous aussi, on peut comprendre dans cet enseignement-là. Donc, Jésus affirme qu'il est comme le tronc d'un arbre, le tronc de l'arbre, et que nous qui l'avons accepté, nous sommes les branches. Il dit qu'il est le vrai cèpe. Cela sous-entend aussi qu'il y a aussi des faux. Voilà, il est le vrai. Il a précisé, il est le vrai cèpe, et donc il y a aussi des faux. Il y a des sceptres qui ne sont pas les vrais. Et la Bible en a parlé. Elle a dit que ces derniers temps, on dira que le Messie est par-ci ou par-là. Les faux enseignants et les faux prophètes se multiplieront. Donc, on dira que par-ci, vous entendrez parler que voilà, le Messie se trouve par-là, il se trouve par-ci, mais il dit que n'allez pas. Voilà. Donc, c'est la même chose aussi pour les enseignants et les faux prophètes. Ils vont se multiplier. Donc, c'est pourquoi il dit que lui, il est le vrai. Donc, de faire attention. Ils vont se multiplier. Ils égareront beaucoup par leur enseignement, leur prophétie et les miracles qu'ils produiront. Et ils sont déjà là. Nous entendons des enseignements qui ne sont pas conformes à la Bible, et des hérésies, des choses qui sont en contradiction, en tout cas avec la parole de Dieu. Nous entendons cela. Et nous pouvons entendre voilà, que des paroles comme si, et comme Jésus a dit ceci, mais nous sommes dans une autre époque, les choses ont changé. C'est-à-dire, les gens font des arguments comme ça, les choses ont changé, et donc, voilà, et ce qu'il avait dit là, ça, ce n'est plus valable pour nous. Voilà. On dit les choses ont changé. Chaque fois, on dit que les choses ont changé. Et celui qui les a créées, là, est-ce qu'il a changé? Il faut qu'on se demande, est-ce que celui qui a créé ces choses-là, est-ce qu'il a changé? Le soleil se lève-t-il maintenant au nord et se couche-t-il au sud? On doit se demander, voilà, si les choses ont changé, est-ce que le soleil aussi a changé de position? Ça ne se lève plus de la même, en tout cas à l'ouest. Disons que et simplement, nous devons dire que, à l'est plutôt. Donc, simplement, ça dit toutes ces paroles-là, c'est simplement, la raison c'est quoi? C'est que notre amour même pour Dieu-là, c'est ça qui a, c'est simplement cela qui a changé. Sinon, en réalité, la Bible dit que, la Bible déclare que la terre et le ciel passeront, mais lui, et sa parole là ne passera pas. Donc c'est notre attachement au Créateur là qui a changé. Ça fait que nous trouvons des arguments pour nous défendre, pour dire que en tout cas voilà, s'il y a des choses qu'on ne doit plus faire, alors que la parole en tout cas a dit cela. Donc nous allons voir des enseignements comme ça, ou bien des paroles comme ça qui vont se multiplier. Donc en d'autres termes, la Bible dit que les choses, même si les choses ont, en d'autres termes, même si les choses ont changé, comme on le dit, hein, la parole, elle n'a pas changé. Voilà. Il y a aussi des gens qui vont se lever et qui vont se déclarer qu'ils sont des messies. Voilà. Tout ça, c'est pour nous dire de faire vraiment très attention, parce qu'il n'y a pas autre cèpe. Le vrai là, c'est Jésus. Des gens vont se lever, ils vont dire qu'ils sont des messies. Voilà, j'ai vu en tout cas un documentaire où on parle de l'autre là, Kaku Philippe. Voilà. Lui, il dit que lui, il est en réalité, lui, il est le Messie. Voilà. Et aujourd'hui, les gens ont cru en Jésus. Lui, c'était son temps. Aujourd'hui, Dieu lui aussi, Dieu l'a envoyé. Et lui, pour croire en Jésus, il faut lui le suivre. C'est comme si lui, il représente Jésus. Et donc, celui qui ne le suit pas, alors n'est pas chrétien ou bien ne suit pas Jésus en réalité. Parce que pour suivre Jésus, on doit lui le suivre. Et lui, ça, en tout cas, quand Dieu a appelé les prophètes, Dieu n'a pas dit, quand nous lisons, nous allons dire que les prophètes, l'Ancien Testament a parlé des prophètes, on a parlé de Jean, on a parlé de Jésus. Lui aussi, l'Ancien Testament, en tout cas, il y a des passages qui ont parlé de lui. Voilà, et il a pris le cas de Matthieu, comment ? Matthieu 26 ou verset 6 là, je ne sais plus. En tout cas, j'ai suivi quelque chose comme ça. Voilà, où on parle de l'époux. Voilà, donc lui, il est l'époux, il viendra. Voilà. Donc, il a parlé de ces choses-là. Et en réalité, c'est des gens qui vont venir aussi comme ça pour, en tout cas, nous détourner réellement de la voie de Dieu. Et beaucoup de gens vont faire confiance à ces gens et vont s'attacher, en tout cas, à ces croyances-là. Et ils vont laisser réellement le vrai sept. Et il a sa Bible. Voilà, il a sa Bible aussi. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a ces anges-là qui sont là pour nous détourner réellement du vrai sceptre. Et il faut retenir que s'il y a un ministère, il y a des ministères qui vont nous envoyer en enfer là, c'est ce ministère-là, le ministère de l'enseignement et de la prophétie. Parce que nous aimons réellement ce qui est des miracles, les prophéties là. Nous les aimons et nous aimons suivre ces prophéties-là. Voilà. Donc, quand on entend qu'il y a des miracles par-ci, par-là, nous voulons cela. Nous voulons entendre cela. Nous voulons entendre de belles paroles. On ne parle plus, c'est-à-dire on n'enseigne plus des enseignements qui vont nous amener à nous détourner de notre péché, mais on enseigne maintenant des enseignements que nous voulons entendre. Tout ce qui nous plaît, c'est-à-dire c'est la prospérité. Voilà, tu seras la tête, tu ne seras plus la queue. Bon, c'est des trucs comme ça qu'on aime entendre. On veut toujours que, voilà, on dit qu'on sera riche, tu vas voyager, tu vas devenir ceci ou cela. C'est ces enseignements-là que nous voulons entendre. Et c'est de ces enseignements aussi que, en tout cas, nous allons nous perdre. Parce que si nous avons besoin de quelque chose aujourd'hui, nous avons besoin réellement d'être, de nous repentir de nos péchés. C'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin seulement de ces enseignements qui vont, en tout cas, qui nous... Ça, ce n'est que ce qui concerne le matériel. Voilà. Ce qui concerne le matériel, alors que nous avons besoin de ce qui peut nous amener réellement à changer nos vies. C'est de ça que nous avons besoin. Et donc, ces anges-là, il y a des enseignants qui ont la parole. Ils sont capables vraiment, quand ils parlent, ils sont capables vraiment de séduire les gens. Et donc, nous allons les suivre et il y aura problème. Donc, vous allez prendre des églises où, quand on enseigne du 1er au 31, c'est des paroles comme ça. C'est-à-dire des paroles qui sont là seulement pour, en tout cas, voilà, pour la prospérité, voilà, pour le voyage. On sera en tête, on ne sera pas derrière, des trucs comme ça. Donc, c'est de ça seulement, ces églises-là. Il y a la plupart des églises, il y a des églises qui enseignent seulement ça. Voilà. Alors que s'il y a quelque chose, et moi je ne suis pas réellement contre, mais il faut que nous enseignions aussi ce dont nous avons réellement besoin. Nous avons besoin aujourd'hui de la repentance. Nous avons besoin de cela. Et car il est vrai que si il est vrai que le malade il a besoin de la santé, il est aussi vrai que le pécheur là il a besoin de la repentance. Nous avons besoin d'être changés par tout ce qui est la parole et de regretter ce que nous faisons et de nous repentir. Voilà. Nous ne pouvons pas passer notre temps. Et la venue de Jésus, ce n'est pas seulement pour venir nous donner la richesse. Hein. La venue, l'essentiel de Jésus, là, c'est transformer, c'est pour que nous regrettons nos péchés et que nous le suivons. C'est ça. C'est pas venir nous donner des richesses ou bien de venir voilà de voyager tout moment, c'est pas ça. Donc c'est pour que nous nous repentons et que nous reprenons le vrai chemin. Donc prenons garde car ils viendront donc avec ce que nous voulons voir et entendre. Voilà, parce que nous aimons ça. Nous avons besoin de nous attacher à la vraie parole. au vrai cercle pour les démasquer. Parce que sans cela, nous n'allons pas vraiment connaître la différence. Nous n'allons pas, si nous ne nous attachons pas réellement à Jésus, nous n'allons pas pouvoir connaître tout ce qui est, en tout cas, tout ce que ces anges-là peuvent apporter. Et donc, la branche sans le tronc ne peut pas porter des fruits. De même, les chrétiens qui n'est pas rattaché à Jésus ne peut pas porter des fruits. Le chrétien est nourri par la vie qui est en Christ. Nous sommes nourris par la vie qui est en Christ. C'est en lui et en lui seul se trouve la vie. C'est pourquoi il dit qu'il est le vrai cèpe. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas la vie en une autre personne. Il n'y a pas la vie en un homme. Il n'y en a pas. Mais c'est seulement en Jésus-Christ. Donc, et la vie ne peut exister que par un seul moyen. Un seul moyen, par un attachement permanent. Permanent en Jésus-Christ. S'attacher à autre chose qu'à lui, dépendre d'autre chose que de lui pour vivre à chaque instant, c'est passer à côté de notre existence réelle. Si nous nous attachons à autre chose, nous dépendons d'une autre personne pour pouvoir réellement vivre, c'est que nous avons raté réellement ce qui est la vie chrétienne. Voilà. Donc, nous devons retenir que personne d'autre dans le monde que Jésus n'est le vrai cèpe. C'est lui qui a la vie et peut donner la vie. La vie ne se trouve pas dans une pratique religieuse. C'est pas, nous pouvons lire la Bible autant de fois que nous voulons. Si nous ne le faisons pas dans une dépendance complète de Jésus pour être nourri, et tous nos efforts seront vains. Si nous lisons la Bible et nous ne lisons pas cette Bible-là dans une dépendance de Jésus, alors tout ce que nous faisons là, ça ne sert pas. Et parce que il y a souvent, nous lisons la Bible parce que nous avons duré de la lire. Voilà. Voilà, maintenant là, ça fait longtemps, hein. J'ai duré de lire maintenant la Bible, donc je prends comme un roman et puis je lis, c'est tout. Voilà. L'objectif n'est pas que ça puisse changer quelque chose dans ma vie, mais l'objectif est que je puisse lire seulement parce que j'ai duré de la lire, c'est tout. Et en réalité, ça ne m'apporte rien, puisque quand je dois lire la Bible, je dois lire la Bible dans l'intention que je puisse avoir quelque chose qui puisse me transformer. Et donc, c'est une méditation en réalité. Voilà, je ne viens pas pour lire, parce que méditer et puis lire, ce n'est pas la même chose. Voilà, je ne viens pas pour lire et lire seulement. Je viens, je médite, je lis des passages, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir qu'est-ce que ces passages-là, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon, qu'est-ce que ça peut transformer, quelles leçons je peux retenir pour marcher en fonction de cela, pour que ma vie puisse changer. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir lire et lire seulement. On lit, mais on ne sait même pas ce qu'on a dit. On ne sait pas quelle leçon se trouve vraiment dans ce passage-là. Quelle leçon je peux tirer? On ne tire pas de leçons. On vient, on lit seulement. Même les romans, quand on nous donne à lire, à la fin, on dit oh, les professeurs demandent, il faut faire un résumé, il faut trouver quelque chose. Voilà, il faut amener. Donc, c'est la même chose. Voilà. On ne vient pas lire seulement pour lire. Et donc, en ce moment, ça ne nous apporte rien. Et la vie ne se trouve pas non plus dans une appartenance à un groupe ou à une église. Si notre vie n'est pas personnellement irriguée par le Saint-Esprit, la sève qui vient du sceptre, puisque le Saint-Esprit représente ici la sève, voilà, la sève qui vient du sceptre, nous serons peut-être physiquement à l'église, mais en réalité, ça ne nous apporte rien. Nous sommes là seulement pour les cultes et c'est rien. Et maintenant même le culte est devenu comme une tradition. On vient à l'église, c'est la tradition. C'est un rite. On vient accomplir et puis on repart. Quand on vient, est-ce que nous venons dans notre conscience, nous voulons être réellement transformés? Est-ce que nous venons avec ces genres de conscience-là. Nous nous mettons dans notre tête que ce que je vis aujourd'hui, là, je viens là, c'est pour réellement recevoir quelque chose qui va me transformer. Donc, nous devons réellement, en tout cas, comprendre cela. Quand nous venons à l'église, nous devons venir pour recevoir quelque chose. Et que ça soit, en tout cas, quelque chose qui nous tient à cœur, pour que, quand nous allons arriver là, tout ce qui va se passer, que nous puissions réellement recevoir quelque chose et qui va peut-être nous transformer. Et donc, c'est pourquoi, il y a des fois, nous venons, nous repartons comme si on est venu. Il n'y a rien de changement. Souvent, même on vient, on repart, on est déçu. Voilà, parce que rien n'a changé. Rien, on est venu avec des soucis et on est reparti. Même, on dirait, on a encore ajouté des fardeaux sur nos têtes et pour que nous puissions les transporter. Et donc, c'est pourquoi, donc, c'est ce qui est en contradiction avec ce que Jésus a dit. Il dit que de venir déposer nos fardeaux à ses pieds. Mais si nous venons et qu'on a l'impression qu'on nous a ajouté encore d'autres fardeaux pour repartir à la maison, et là, c'est compliqué. Et donc, ce n'est pas en venant à l'église réellement qu'on trouve la vie. La vie ne se trouve pas dans un enseignement. L'enseignement peut véhiculer la vie. Avoir, c'est-à-dire l'enseignement qu'on donne, ça peut véhiculer la vie. Mais si nous-mêmes, on n'est pas disposé pour recevoir, c'est-à-dire pour comprendre l'enseignement qui est donné et essayer de voir qu'est-ce que je peux retenir à travers l'enseignement qui est donné là, alors ça ne me servira à rien. Parce que je dois vraiment, mon cœur doit être en tout cas prêt pour recevoir l'enseignement et tirer réellement des leçons. La vie n'est pas dans un serviteur de Dieu, ni dans un prophète, qu'il soit bishop, révérend, voilà, tout ce qu'on connaît. Voilà. Certains chrétiens suivent des hommes. La raison là, c'est les hommes qui suivent. Voilà. Si tel homme-là même ne prêche pas, là, on ne suit pas, on ne vient pas. Ou bien si, en tout cas, telle personne n'est pas, si le pasteur principal n'est pas là, je ne vais même pas venir. Voilà. Ou bien, souvent, c'est des gens même qui sont adorés. On les adore. Ce n'est pas en adorant des hommes de Dieu là que nous allons recevoir la vie. La vie n'est pas dans ces hommes-là. Nous devons, nous aussi, quand nous les voyons, nous les envions peut-être. Lui aussi, il a travaillé à ce qu'il soit à ce niveau, peut-être. Voilà, puisque nous pensons qu'il est peut-être trop spirituel par rapport à nous, et voilà, il est en communion, il est en contact direct avec Dieu. Mais nous aussi, nous devons chercher à être en contact direct avec Dieu. Et puis c'est fini. Voilà. Et donc, on n'a pas à adorer un homme et pour recevoir la vie. On n'a pas à adorer, à suivre un prophète pour recevoir la vie. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les gens quittent d'église en église parce qu'on trouve qu'ici, là, voilà, il n'y a pas la vie, ou bien il n'y a pas de miracles qui s'accomplissent, voilà, ou bien il n'y a pas de prophètes, voilà, il n'y a pas de prophètes, et donc on tourne un peu partout pour voir, voilà, où on va parler de ma vie, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ma vie, voilà, je vais entendre ces choses-là, et donc en réalité, ce n'est pas la vie que je cherche autre chose. Donc la vie n'est pas en ces hommes-là, la vie est, ça se trouve seulement en Jésus-Christ. Jésus exprime ici, dans ce texte-là, il exprime en réalité la relation qui doit exister entre nous et lui. La relation qui doit exister entre lui et nous. Il s'agit d'une relation de dépendance permanente à lui. Comme le sarment dépend du sceptre. Voilà. Nous devons aussi dépendre de Jésus. Le sarment, il dépend du sceptre. Si le sarment n'est pas sur la branche, alors le sarment n'a pas de vie. Et si le sarment n'est pas sur le sceptre, voilà, il n'a pas de vie. Donc, si on coupe la branche, c'est fini. Mais le tronc, lui, vit toujours. Le sceptre, il vit. Donc, en réalité, la branche, le sceptre, le tronc ne dépend pas. Ne dépend pas de la branche, mais c'est la branche qui dépend du tronc. La preuve est que nous avons des gens qui n'ont qui n'ont pas de membres, mais ils vivent. Oui, il n'y a pas de mains, il n'y a pas de pieds, mais ils vivent. Mais est-ce que nous avons déjà vu un bras qui vit, ou bien une main qui vit, un pied qui vit seul, et sans qu'on ait quelqu'un? Ça n'existe pas. Et donc, il est impossible à quelqu'un de s'appeler chrétien s'il n'est pas entièrement lié à Christ. Ce n'est pas possible. Si on n'est pas lié à Christ, on ne peut pas jouir de la vie qui est en Christ. Et donc, nous sommes en dehors de cette vie-là. Et donc, c'est comme si nous ne vivons pas. Car la Bible dit que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et donc, si c'est Christ qui vit en nous, ça veut dire que si je ne suis pas, c'est-à-dire si ma vie n'est pas liée à Christ, alors je ne vis plus. Puisque je ne suis plus là, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit. Et donc, si ma vie n'est pas liée à lui, alors moi je ne vis plus. Donc, le sarment, s'il ne se trouve pas sur le sceptre, il ne vit plus. Mais le sceptre, il vit sans le sarment. Donc, c'est la même chose. Jésus-Christ, il vit sans nous, mais nous, sans Jésus-Christ, nous ne vivons pas. Donc, nous devons retenir que ce qui fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien n'est pas seulement la croyance. C'est pas seulement la croyance en Christ, mais c'est l'union avec Christ. Il y a des gens qui croient en Christ. Les musulmans là, ils croient en Christ. Oui, quand on les parle là, ils disent que oui, qu'ils croient en Christ. Mais est-ce qu'ils sont unis en Christ? Est-ce qu'il y a cette union là? Est-ce qu'il y a cette dépendance là? Les diables aussi, ils croient en Christ. Oui, ils croient. Oui. Tu vois, il croit plus que nous. Parce que lui-même, là, il connaît ce que Jésus peut faire. Plus que nous. Oui. C'est pourquoi quand il a tenté Job, là, il n'a pas pu, là. Il est allé devant Dieu. Parce qu'il sait de quoi est capable Dieu. Il va aller demander la permission là-bas. Il a su que c'est Dieu qui a fait que lui n'arrive pas à atteindre Job. C'est ça. Lui-même, il croit plus que nous. Voilà. Nous, quand on ne peut pas faire quelque chose, on se tourne vers d'autres personnes, mais on ne vient pas vers lui, vers Jésus. Donc, le chrétien n'est pas forcément celui... Être chrétien ou non chrétien, là, ce n'est pas la croyance, mais c'est l'union en Christ. Et donc, nous devons, si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons chercher vraiment cette union-là. Cette union que nous allons chercher à établir avec Christ. Donc, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Séparé de Jésus signifie que nous n'avons pas d'intimité avec lui. Nous n'avons pas de dépendance totale à lui. Et nous ne sommes pas en réalité nourris par la vie de Jésus. C'est ça, séparé de lui. Sans lui. On peut se demander, c'est vraiment ça, c'est quelle affirmation? Parce que... Quand j'essaie de voir quand on prend là, les gens ont fait beaucoup de choses, hein, mais sans forcément parler de Jésus. Hein. Oui, quand on a fabriqué l'avion là, est-ce qu'on a parlé de Jésus? Tout ce qu'on a fait là, est-ce qu'on a parlé de Jésus? Est-ce que ce que les gens font là, on parle d'abord de Jésus avant de le faire? Mais les gens ont fait de grandes choses. Oui. Les rois, ils ont bâti leur royaume. En comptant sur leur propre force. Et quand nous prenons dans la Bible, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il pouvait se glorifier parce qu'il s'est dit qu'il a bâti son royaume sans Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a intervenu. Voilà. Tout ce qu'il a bâti là, c'est par sa propre puissance. Voilà. Toutes les briques là, c'est sa marque qui était là-dessus. Et donc, il a bâti tout sans Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas citer réellement tout ce que l'homme a fait sans prononcer une seule fois le nom de Jésus.